Chapitre 31e. Cependant, les voitures s'étaient ajoutées aux voitures, et maintenant ils étaient entourés d'un quadruple rang d'équipages tassés les uns contre les autres, de telle sorte qu'il ne restait qu'un étroit passage entre chaque file. La course terminée, ce passage avait été envahi. On se pressait autour des voitures, ceux-ci pour serrer la main de leurs amis ou de leurs amies, ceux-là tout simplement pour voir de près les femmes à la mode. Il y avait des femmes autour desquelles s'étaient faits de véritables rassemblements qui empêchaient la circulation. Dans certaines voitures, on montait d'un côté et on descendait de l'autre, exactement comme dans une baraque de saltimbanque. Des bribes de dialogue qu'on saisissait de temps en temps expliquaient suffisamment le sujet qu'on traitait pendant ces courtes visites. « J'irai te voir ce soir. »« Oui, mon petit chien. »« Toujours même adresse ?»« Toujours. »« Seras-tu visible à 10 heures ?»« Non, viens seulement à 10h30. » Dans une Victoria qui se trouvait tout près de leur calèche, une femme seule était fort entourée. Elle portait une robe en satin gris avec des crevés rouges qui tiraient l'œil à 20 pas. Ses cheveux étaient d'une nuance jaune qui ne s'était jamais rencontrée dans la nature. Elle parlait plusieurs langues, le français avec un accent désagréable, l'anglais, l'allemand. Mais comme si ce n'était point assez de ces différents idiomes pour faire comprendre ce qu'elle avait à dire, elle ajoutait parfois à ses explications une carte de visite qu'elle glissait dans la main de ceux qui la quittaient. Derrière cette Victoria était un grand break, sur les banquettes duquel perchaient une douzaine de collégiens, dont plusieurs étaient en uniforme. Autour de leur képi, ils portaient des voiles verts, qui produisaient l'effet le plus drôlatique. Un panier de provisions était ouvert au milieu d'eux, et ils se passaient de main en main des verres où moussait le champagne. Pour boire, ils retiraient de leurs lèvres des cigares qui leur remplissaient la bouche. Parmi ces enfants émancipés, il y en avait un de 13 ou de 14 ans, qui lançait à la femme aux cheveux jaunes des regards brûlants comme les rayons d'un miroir ardent. Lorsqu'elle avait un moment de liberté et n'était pas occupée à fourrer des cartes dans les mains de ses visiteurs, elle lui répondait avec des œillades en coulisses. En regardant ce spectacle nouveau pour lui, le colonel aperçut son ami, Gaston de Pontperran, appuyé sur la portière d'une voiture de grand style, en conversation avec une femme d'un certain âge, enveloppée de dentelles. Mais bien que leurs yeux se fussent croisés, Gaston ne parut pas avoir vu son ami et se plongea au contraire plus profondément dans sa conversation en tenant sa tête obstinément baissée. Voulait-il n'être pas vu? Voulait-il ne pas voir? Évidemment, l'une de ces deux hypothèses était vraie, mais le colonel ne prit pas la peine de chercher laquelle. Que lui importait d'ailleurs? Il tourna donc la tête d'un autre côté et se mit à regarder un cercle formé sur la pelouse par de grandes voitures, au-dessus desquels étaient dressés des tableaux couverts de chiffres et des roues en cuivre. C'étaient les agences de poulets de Paris. La foule grouillait autour de ces agences et il se faisait là un grand tapage, que dominaient de temps en temps quelques cris poussés d'une voix rauque. « À 2 francs, à 5 francs la première. Qui veut un cheval ? Tous les chevaux, je parie contre. » À côté de ces voitures, disposées en bureaux roulants, avec des guichets protégés par des grilles de fer, d'autres spéculateurs avaient ouvert des agences plus modestes, les uns sous un parapluie rouge, les autres à l'ombre d'un drapeau tricolore, ceux-ci avec une sacoche sur le ventre et auprès d'eux une girouette fichée en terre, ceux-là avec un simple chapeau à la main. Dans des fiacres, des femmes assises à la portière criaient la côte des chevaux. « Normandie, la favorite, je parie contre. »« Aimez-vous la loterie ?» demanda le colonel en s'adressant à Thérèse. « Quelle loterie ?» Celle où l'on prend un numéro qui vous fait gagner 15 ou 20 fois votre mise quand il sera au tirage, je ne sais pas. Eh bien, il faut voir. Je vais aller vous prendre un numéro. » Et descendant de voiture, il se dirigea vers les agences de poules. Mais sur son passage, il devait rencontrer les équipages du baron Lazarus et du prince Mazzazzoli. Thérèse, qui le suivait des yeux au milieu de la foule, le vit s'arrêter auprès du baron et de sa fille, puis ensuite auprès du prince et de Carmelita. Après quelques minutes d'entretien, il continua son chemin, et bientôt il disparut au milieu des voitures. « Tu n'aurais pas dû accepter du billet de loterie, » dit Soriol. « Je n'ai pas osé refuser, mon cousin. Sans doute, cela n'a pas d'importance pour lui. Mais je ne voudrais pas que tu prises goût à ce genre d'émotion. La loterie est blâmable en soi, et pernicieuse. Je ne comprends pas qu'on la tolère sur ce champ de course, et surtout telle qu'elle s'exerce. Ainsi, j'ai vu tout à l'heure une agence dont l'adresse est Petite Rue de la Corderie. Eh bien, il est fâcheux qu'on autorise ces sortes de maisons de jeu dans les quartiers des travailleurs. Que les gens riches jouent à la loterie, cela n'est pas bien dangereux. Au contraire, cela devient grave quand ce sont des ouvriers du temple ou du faubourg qui prennent leur mise sur l'argent de la famille. Si juste que puissent être ces considérations, Thérèse ne les écoutait que d'une oreille distraite. Son attention était ailleurs. Comme elle était jolie, cette jeune Allemande, dans son costume de théâtre, et comme elle était belle, cette Italienne. Après avoir donné un louis à un guichet et reçu un petit carton en échange, le colonel s'en revenait vers sa voiture lorsqu'il se sentit pris par le bras et arrêté. Il se retourna, c'était son ami Gaston. « Hé, que faites-vous ici ? » demanda celui-ci. Le colonel montra son carton. « Comment ? » s'écria Gaston. « Vous prenez des billets de poule ? Mais mon cher, cela ne se fait pas. Un homme comme vous engage ses paris dans le ring et ne prend pas des billets dans ses agences. Ce n'est pas pour moi, c'est pour ma petite cousine que j'ai amenée aux courses. Vous avez amené à Longchamp votre petite cousine de la rue de la Charonne ? Parfaitement. Ça vous étonne ? Dites que cela me renverse. Et pourquoi donc ? Le champ de course est-il un salon à la porte duquel on doit faire ses preuves de noblesse ? Je voulais donner une journée de plaisir à cet enfant. Je l'ai amené ici. Le plaisir, en réalité, est pour moi plus que pour elle. C'est une joie de suivre les étonnements et les émerveillements de cette petite fille qui n'a jamais rien vu. Je vous croyais plus français qu'américain, mais décidément le Yankee l'emporte en vous, de là votre excentricité. C'est une excentricité de chercher à faire plaisir à ceux qui nous entourent. L'excentricité, cher ami, c'est qu'un homme dans votre position, sur qui tout pari a les yeux, s'en vienne dans une réunion comme celle d'aujourd'hui avec une petite ouvrière. Je soutiens que c'est un défi qu'un Yankee seul pourrait avoir l'idée de risquer. Mais, mon cher Édouard, pensez donc. Voulez-vous que je vous présente à elle ? Dit le colonel en riant. Cette proposition suffoqua si bien Gaston qu'elle lui fit perdre le fil du discours qu'il allait entreprendre. D'ailleurs, à quoi bon ? Viendrez-vous au pesage ? Dit-il. Oui, peut-être, mais plus tard. Pour le moment, je vais porter ce carton à ma petite cousine. Je donnerai 1000 louis pour qu'il lui en fît gagner une douzaine. Tandis que le colonel regagnait sa voiture, Gaston traversait la piste et rentrait dans l'enceinte du pesage. S'arrêtant contre la grille, il jeta un rapide coup d'œil sur les tribunes et les groupes de promeneurs qui passaient lentement devant lui. Bientôt il aperçut celle qu'il cherchait, la marquise de Lucilière. Assise sur une chaise, elle était entourée de son cercle ordinaire de fidèles, le prince Seratov, le duc de Mestosa et 2 ou 3 autres. Il se dirigea vivement vers elle, et forçant le duc de Mestosa à reculer sa chaise, il serra la main de la marquise. « J'ai un service à vous demander, » dit-il. « Pouvez-vous me donner quelques minutes ?»« Messieurs, » dit la marquise en souriant, « vous voyez comme M. de Pompéran est sérieux. Il s'agit de choses importantes. » Et se levant, elle prit le bras de Gaston. « Eh bien, » dit-elle lorsqu'ils furent éloignés de quelques pas, « de quoi ou de qui s'agit-il ? Faut-il intervenir entre vous et elle ?» « Il ne s'agit pas de moi, mais de mon ami, le colonel Chamberlain. Je l'ai vu, votre ami. Je l'ai dépassé dans l'avenue de l'impératrice. Il promenait dans sa voiture une petite fille drôlement fagotée, mais qui a des cheveux splendides et qui sera très jolie un jour. C'est précisément de cette petite fille que je veux vous entretenir. Il faut que vous sachiez que cette petite fille est sa cousine et que par suite d'arrangements de famille, il pourrait arriver qu'il l'épousa. Eh bien, qu'est-ce que cela vous fait ? « Comment voulez-vous que je laisse un homme dans la position du colonel épouser une petite fille qui n'est rien et qui n'a rien ?»« Ah ça, mon pauvre Gaston, vous êtes donc atteint de la manie matrimoniale. Vous voulez que vos amis se marient pour vous ?»« Non, mais je veux qu'ils se marient pour eux et pas pour de petites sottes. Ainsi, je veux que mon ami le colonel, s'il se marie, n'épouse qu'une femme digne de lui. »« Alors, auprès de qui m'envoyez-vous en ambassade ? Voulez-vous mademoiselle Lazarus ?» « Mademoiselle Belmonte, mademoiselle, je veux que vous me compreniez et précisément vous vous amusez à me taquiner. Expliquez-vous. Je crains que mon ami le colonel ne pense comme vous à l'égard de cette petite fille et qu'il trouve dès maintenant qu'elle sera jolie un jour. Comment voulez-vous empêcher cela ? Ce serait bien facile si vous vouliez me comprendre. » Elle s'arrêta et le regardant, elle partit d'un grand éclat de rire qui fit lever la tête à ceux qui passaient près d'eux. « Eh bien oui !» dit-il, un sourire de vous et mon ami est sauvé. Vous savez, mon cher Gaston, que ce que vous me dites là est tout simplement révoltant. Dans la forme peut-être, mais au fond c'est en réalité une bonne œuvre. Il s'agit de sauver mon ami, et je viens en suppliant auprès de celle qui a la puissance d'opérer ce miracle. Il me semble que c'est un hommage rendu à votre beauté, à votre esprit, à... Et c'est tout. Oui, c'est tout. Pourquoi ne vous amuseriez pas à rendre amoureux, je ne demande pas que les choses aillent plus loin, un sauvage. L'amour d'un Huron se développant au milieu du monde parisien, cela peut être drôle. Celle qui inspirerait cet amour pourrait trouver là des sensations nouvelles. Le fait est, n'est-ce pas? Ah, marquise, vous êtes un ange. Mais on ne le voit pas, votre Huron. Demain, précisément, notre combat de rat n'aura pas lieu, mon garde étant malade. Je vous le conduirai. Je l'inviterai à dîner pour samedi. Seulement, j'inviterai aussi le baron Lazarus avec sa fille et le prince Mazzazzoli avec sa nièce. Ah, pourquoi? Parce que cela pourrait être amusant. Ne me disiez-vous pas l'autre jour qu'ils visaient l'un et l'autre la grosse fortune de votre marchand de pétrole? Eh bien, je veux les voir manœuvrer.